galères, tu les pousses encore. Mes amis sont morts, je reste seul. Des putains de souvenirs se bousculent en moi. Ma pompe qui sonne.